En première ligne, HK. Ah ouais, de Zeph. Les derniers seront les premiers, refrains, on promet de se donner à fond jusqu'au trophée. On se refait, qui t'a caché le magot dans le grenier. Rancunier, on les tous raillis, on peut pas le nier. Renier, ma race t'es fou, toi je peux pas l'oublier. On remet le rancard à plus tard, on a fait un gros billet. 0734, c'est que le début, on a rien plié. Si tu as manqué de respect, tu vas nous supplier. Méfiez-vous de l'eau qui dort, elle s'est déjà réveillée. T'as le sentiment d'être grillé, ben c'est ton heure pour briller. Première ligne qui est là pour lancer l'assaut. Et là c'est crier en avant mes guerriers. Sans regret, conflit, soit tu les gagnes, soit tu les perds. C'est comme le poker, ne te lance pas si t'as pas un bon kicker. Des bons compères qui pourraient assurer tes arrières. Comme Beretta, Yali, Kiza au contrôle, même à la river. En première ligne, deuxième, je t'entends si t'en veux buzzer. En deuxième ligne, Beretta, pour passer le message. En troisième ligne, Yali, parce que beaucoup nous ont sali. Quatrième ligne, Kiza, le haine se lit sur mon visage. En première ligne, déterminé avec du zèbre. Deuxième ligne, Beretta, pour froisser leur mirage. En troisième ligne, Yali, par les coups comme Mohamed Ali. Quatrième ligne, Kiza, esquive les bises bizarres. Appelle-moi la première ligne, le bas de la France. Celle qui se bat pour la franchir, celle qui agite les consciences. Des séquelles à chaque pige, on fait du mal à ceux qu'on connaît. Les petits 2010 disent avec 100 grammes font les gros bonnets. La rue ou la prison, beaucoup de frères font des allers-retours. Voyager, le seul sera le dernier. Allez, sors tour perso, je passe des nuits blanches dans la musique. J'ai un appétit d'or, profite d'avoir un toit. Mais t'inquiète, j'ai connu dormir dehors. C'est le même rap qu'on chante depuis 20 ans sur les mêmes cassettes. Les problèmes n'ont pas changé, c'est le même décor sur d'autres facettes. Les lois se décident plus haut, nous touchons surtout plus bas. Pour monter, c'est comme le loto, on compte une chance sur un milliard. On est placé en première ligne comme de la putain de chair à canon. Complètement décalé, ne vois-tu pas que nous déraillons. Y'a plus d'humanité, on pense surtout à faire du pognon. Merde, perso les thunes, tu sais je m'en cogne. En première ligne, deuxième, je t'entends si t'en veux peu. En deuxième ligne, Beretta, pour passer le message. En troisième ligne, Yali, parce que beaucoup nous ont sali. Quatrième ligne, Kiza, le haine se lit sur mon visage. En première ligne, deuxième, déterminé avec du zèbre. En deuxième ligne, Beretta, pour froisser leur mirage. En troisième ligne, Yali, par les coups comme Mohamed Ali. Quatrième ligne, Kiza, esquive les bises bizarres. En première ligne, le combat n'a rien d'un con de fait. Y'a des signes qui ne trompent pas et qu'on combien de cons se font bluffer, refait. Tu te croyais refait, t'allais emporter le trophée, ouais. Mais tes rêves se sont atrophiés, car t'es trop fier, t'en as trop fait. Les gars, sur champ de bataille, l'ennemi m'entoure, les secours, plus le temps pour, plus le temps. Certains se gardent une balle en dernier recours. J'ai des trucs à payer, tellement de dettes en cours. Ça irait mieux si j'avais le compte à Bétancourt. Au front on s'adapte, on avale pas leur salade. Pas pour rien qu'ils sont partis en Irak faire sauter Saddam. Tu vois pas qu'ils veulent qu'on morfle. Regarde un peu les paroles de ce chef de bris sorte feu. Nerveux, la ricaille tire un rafale. Combien sont restés sur la paille. Tu passeras pas à travers les balles, même si tes balles laissent comme Chabal. Mon peuple a subi des ravages après des années d'esclavage. En 2010 c'est Moyen-Âge, toujours pas de vaccin contre la rage. En première ligne, deuxième, je t'entends si t'en veux peu. En deuxième ligne, Beretta, pour passer le message. En troisième ligne, Yali, parce que beaucoup nous ont sali. Quatrième ligne, Kiza, le haine se lit sur mon visage. En première ligne, deuxième, déterminé avec du zèbre. Deuxième ligne, Beretta, pour froisser leur mirage. En troisième ligne, Yali, voir les coups comme Mohamed Ali. Quatrième ligne, Kiza, esquive les bises bizarres. J'arrive en première ligne et tous mes sahab à la rescousse. T'inquiète, ils veulent nous test, nous on sait qu'on les baisse tous. On se lève tous pour un que ceux qui ne sont pas presse-pousse. On atteindra notre but, même si pour ça faut qu'on crève tous. Si un nous qui reste en plan, ben on reste tous. On reste cool entre nous, toi on te connaît pas, laisse-nous. Ouais, reste soupe, je t'avais prévenu ma clique et pas l'escousse. Tu crois me la mettre dans le boule, ouais, va te jeter d'une falaise, grouille. On avance d'un pas sur un nœud pour me faire reculer. J'suis là pour tout brûler, qu'ils aillent se faire enculer. Écoute-les hurler à la mort et murmurer. On l'a trop longtemps fermé, mais ça peut plus durer. On s'endurcit chaque jour entre les coups de batte et les coups de chasse. On se démerde comme on peut entre les coups de grâce et les coups de chance. On a l'art de la guerre, même dans mes crimes, je m'applique. Je me battrai jusqu'au dernier, pense même pas toucher ma clique. En première ligne, deuxième, je t'entends si t'en peux peser. En deuxième ligne, Beretta, pour passer le message. En troisième ligne, Yali, parce que beaucoup nous ont sali. Quatrième ligne, Kiza, le haine se lit sur mon visage. En première ligne, deuxième, déterminé avec du zèbre. En deuxième ligne, Beretta, pour froisser leur mirage. En troisième ligne, Yali, par les coups comme Mohamed Ali. Quatrième ligne, Kiza, esquive les bises bizarres.